Chapitre 150e. Le Père et le Fils. Lorsque Philippe revint près de sa sœur, il la trouva bien agitée, bien inquiète. « Ami, lui dit-elle, j'ai pensé en votre absence à tout ce qui m'est arrivé depuis quelque temps. C'est un abîme où va s'engloutir tout ce qui me reste de raison. Voyons, vous avez vu le docteur Louis ? J'arrive de chez lui, André. Cet homme a porté contre moi une accusation terrible. Est-elle juste ? Il ne s'était pas trompé, ma sœur. André pâlit, et un accès nerveux crispa ses doigts si effilés, si blancs. « Le nom, dit-elle alors, le nom du lâche qui m'a perdu. Ma sœur, vous devez l'ignorer éternellement. Oh, Philippe, vous ne dites pas la vérité. Philippe, vous mentez à votre propre conscience. Ce nom, il faut que je le sache, afin que, toute faible que je suis, et n'ayant pour moi que la prière, je puisse, en priant, armer contre le criminel toute la colère de Dieu. Le nom de cet homme, Philippe. Ma sœur, ne parlons jamais de cela. » André lui saisit la main et le regarda en face. « Oh, dit-elle, voilà ce que vous me répondez, vous, qui avez une épée au côté ?» Philippe pâlit de ce mouvement de rage et aussitôt réprimant sa propre fureur. « André, je ne puis vous apprendre ce que je ne sais pas moi-même. Ce secret m'est commandé par le destin qui nous accable. Ce secret, qu'un éclat compromettrait avec l'honneur de notre famille, une dernière faveur de Dieu, le rend inviolable pour tous. Excepté pour un homme, Philippe, pour un homme qui rit, pour un homme qui nous brave, oh mon Dieu, pour un homme qui rit infernalement de nous, peut-être, dans sa retraite ténébreuse. » Philippe serra les poings, regarda le ciel et ne répondit pas un mot. « Cet homme, s'écria André en redoublant de colère et d'indignation, je le connais peut-être, moi, cet homme. Enfin, Philippe, permettez-moi de vous le représenter. J'ai déjà indiqué ses étranges influences sur moi. Je croyais vous avoir envoyé à lui. Cet homme est innocent. Je l'ai vu. J'ai la preuve. Ainsi, ne cherchez plus, André, ne cherchez plus. Philippe, remontons ensemble plus haut que cet homme, voulez-vous ? Allons jusqu'au premier rang des hommes puissants de ce royaume. Allons jusqu'au roi. » Philippe entoura de ses bras cette pauvre enfant, sublime dans son ignorance et dans son indignation. « Bah, dit-il, tous ceux que tu nommes éveillés, tu les as nommés endormis. Tous ceux que tu accuses avec la férocité de la vertu, tu les as justifiés lorsque tu voyais le crime, pour ainsi dire, se commettre. Alors j'ai nommé le coupable, dit-elle, les yeux flamboyants. Non, répliqua Philippe, non, ne m'interroge plus. Imite-moi, subis la destinée. Le malheur est irréparable. Il se double pour toi de l'impunité du criminel. Mais espère, espère. Dieu est au-dessus de tout. Dieu réserve aux malheureux opprimés une triste joie qu'on appelle la vengeance. La vengeance, murmura-t-elle effrayée elle-même de l'accentuation terrible que Philippe avait mise sur ce mot. En attendant, repose-toi, ma sœur, de tous les chagrins, de toutes les hontes que ma folle curiosité t'a causées. Si j'avais su, oh, si j'avais su. Elle cacha sa tête dans ses mains avec un désespoir affreux, puis se relevant soudain. De quoi me plaindrais-je ? Dit-il avec un sourire. Ma sœur est pure, elle-même. Jamais elle n'a trahi ni la confiance ni l'amitié. Ma sœur est jeune comme moi, bonne comme moi. Nous vivrons ensemble, nous vieillirons ensemble. À deux, nous serons si forts que le monde entier. » À mesure que le jeune homme parlait de consolation, André s'assombrissait. Elle penchait vers la terre un front plus pâle. Elle prenait l'attitude et le regard fixe du mort de désespoir que Philippe venait de secouer si courageusement. « Vous ne parlez jamais que de nous deux, » dit-elle en attachant son œil bleu si pénétrant sur la physionomie mobile de son frère. « De qui voulez-vous que je parle, André ? » dit le jeune homme, sentant le regard. « Mais nous avons un père. Comment traitera-t-il sa fille ? » ?»« Je vous ai dit hier, » répondit froidement Philippe, « d'oublier tout chagrin, toute crainte, de chasser, comme le vent chasse une vapeur matinale, tout souvenir et toute affection qui ne serait pas mon affection et mon souvenir. » « En effet, ma chère André, vous n'êtes aimée de personne dans ce monde, si ce n'est de moi. Je ne suis aimée de personne que de vous. Pauvre orphelin abandonné, pourquoi subirions-nous un joug de reconnaissance ou de parenté ? Avons-nous reçu des bienfaits ? Avons-nous senti la protection d'un père ? Oh ! » ajouta-t-il avec un amer sourire. « Vous savez à fond ma pensée, vous connaissez l'état de mon cœur. S'il fallait aimer celui dont vous parlez, je vous dirais, aimez-le. » « Je me tais, André. Abstenez-vous. » « Alors, mon frère, il faut donc que je croie... »« Ma sœur, Dans les grandes infortunes, l'homme entend involontairement retentir ces mots peu compris de son enfance. « Crains Dieu !» Oh oui, Dieu s'est cruellement rappelé à notre souvenir. « Respecte ton père !» Oh ma sœur, la plus forte preuve de respect que vous puissiez donner aux vôtres, c'est de l'effacer de votre souvenir. « C'est vrai !» murmura André d'un air sombre en retombant sur son fauteuil. « Mon ami, ne perdons pas le temps en paroles inutiles. Rassemblez tous les effets qui vous appartiennent. Le docteur Louis va trouver Madame la Dauphine et la prévenir de votre départ. Les raisons qu'il aura alléguées, vous le savez. C'est le besoin d'un changement d'air, souffrance inexplicable. Apprêtez, dis-je, toute chose pour le départ. » André se leva. « Les meubles ? » dit-elle. « Oh non, linge, habits, bijoux. » André obéit. Elle rangea tout d'abord les coffres des armoires, les habits de la garde-robe où s'était caché Gilbert. Ensuite, elle prit quelques écrins qu'elle s'apprêtait à mettre dans le coffre principal. « Qu'est-ce cela ? » dit Philippe. « C'est l'écrin de la parure que Sa Majesté voulut bien m'envoyer lors de ma présentation à Trianon. » Philippe pâlit en voyant la richesse du présent. « Avec ces bijoux seuls, dit André, nous vivrons partout honorablement. J'ai ouï dire que les perles seules valaient 100 000 livres. » Philippe referma l'écrin. « Elles sont très précieuses, en effet, dit-il. » Et reprenant l'écrin des mains d'André. Ma sœur, il y a encore d'autres pierreries, je crois. Oh, cher ami, elles ne sont pas dignes d'être comparées à celles-ci. Elles ornaient pourtant la toilette de notre bonne mère il y a 15 ans. La montre, les bracelets, les pendants d'oreilles sont enrichis de brillants. Il y a aussi le portrait. Mon père voulait vendre le tout parce que, disait-il, rien n'était plus de mode. Voilà pourtant tout ce qui nous reste, dit Philippe, notre seule ressource. Ma sœur, nous fronfons dans les objets d'or, nous vendrons les pierreries du portrait. Nous aurons de cela 20 000 livres, qui font une somme suffisante pour des malheureux. « Mais cet écrin de perles est bien à moi, » dit André. « Ne touchez jamais à ces perles, André, elles vous brûleraient. » « Chacune de ces perles est d'une nature étrange, ma sœur. Elles font des taches sur les fronts qu'elles touchent. » André frissonna. « Je garde cet écrin, ma sœur, pour le rendre acquis de droit. Je vous le dis, ce n'est pas notre bien. » « Non, et nous n'avons pas envie d'y rien prétendre, n'est-ce pas ?»« Comme il vous plaira, mon frère, » répliqua André, toute frissonnante de honte. « Chère sœur, habillez-vous une dernière fois pour votre visite à Madame la Dauphine. Soyez bien calme, bien respectueuse, bien touchée de vous éloigner d'une aussi noble protectrice. »« Oh oui, bien touchée, » murmura André avec émotion. « C'est une grande douleur dans mon malheur. »« Moi, je vais à Paris, ma sœur, et je reviendrai vers ce soir. » « Aussitôt arrivé, je vous emmènerai. Payez ici tout ce qui vous reste à devoir. »« Rien, rien. J'avais Nicole. Elle s'est enfuie. »« Ah, j'oubliais le petit Gilbert. » Philippe tressaillit. Ses yeux s'allumèrent. « Vous devez à Gilbert ? » s'écria-t-il. « Oui, » dit naturellement André. « Il m'a fourni une fleur depuis le commencement de la saison. Or, comme vous me l'avez dit vous-même, parfois je fus injuste et dur envers ce garçon, qui était poli après tout. Je le récompenserai autrement. » « Ne cherchez pas Gilbert, » murmura Philippe. « Pourquoi ? Il doit être dans les jardins. Je le ferai mander, d'ailleurs. »« Non, non, vous perdriez un temps précieux. Moi, au contraire, en traversant les allées, je le rencontrerai. Je lui parlerai. Je le paierai. »« Alors c'est bien, s'il en est ainsi. »« Oui, adieu, à ce soir. » Philippe baisa la main de la jeune fille qui se jeta dans ses bras. Il comprima jusqu'au battement de son cœur dans cette molle étreinte et, sans tarder, il partit pour Paris, où le carrosse le déposa devant la porte du petit hôtel de la rue Coquéron. Philippe savait bien rencontrer là son père. Le vieillard, depuis sa rupture étrange avec Richelieu, n'avait plus trouvé la vie supportable à Versailles, et il cherchait, comme tous les esprits surabondants d'activité, à tromper les torpeurs du moral par les agitations du déplacement. Or, le baron, quand Philippe sonna au guichet de la porte cochère, arpentait, avec d'effroyables jurons, le petit jardin de l'hôtel et la cour attenant à ce jardin. Il tressaillit au bruit de la sonnette et vint ouvrir lui-même. Comme il n'attendait personne, cette visite imprévue lui apportait une espérance. Le malheureux, dans sa chute, se rattrapait à toute branche. Il reçut donc Philippe avec le sentiment d'un dépit et d'une curiosité insaisissable. Mais il n'eut pas plutôt regardé le visage de son interlocuteur que cette sombre pâleur, cette raideur des lignes et la crispation de la bouche lui glacèrent la source de questions qu'il s'apprêtait à ouvrir. « Vous ? dit-il seulement, « et par quel hasard ?»« J'aurai l'honneur de vous expliquer cela, monsieur, » dit Philippe. « Bon, c'est grave, assez grave, oui, monsieur. » Ce garçon a toujours des façons cérémonieuses qui inquiètent. Est-ce un malheur, voyons, ou un bonheur que vous apportez ?« C'est un malheur, » dit gravement Philippe. Le baron chancela. « Nous sommes bien seuls ?» demanda Philippe. « Mais oui. »« Voulez-vous que nous entrions dans la maison, monsieur ?»« Pourquoi pas en plein air, sous ces arbres ?»« Parce qu'il y a de certaines choses qui ne se disent pas à la lumière des cieux. » Le baron regarda son fils, obéit à son geste muet, et tout en affectant l'impassibilité, le sourire même, il le suivit dans la salle basse dont déjà Philippe avait ouvert la porte. Lorsque les portes furent soigneusement fermées, Philippe attendit un geste de son père pour commencer la conversation, et le baron, s'étant assis commodément dans le meilleur fauteuil du salon, « Monsieur, dit Philippe, ma sœur et moi, nous allons prendre congé de vous. »« Comment cela ? Fit le baron très surpris. « Vous vous absentez ? Et le service ? Il n'y a plus de service pour moi. Vous savez que les promesses faites par le roi n'ont pas été réalisées. Heureusement. » « Voilà un heureusement que je ne comprends pas. Monsieur, expliquez-le-moi. Comment pouvez-vous être heureux de n'être pas colonel d'un beau régiment ? Vous pousseriez loin la philosophie. » « Je la pousse assez loin, pour ne pas préférer le déshonneur à la fortune. Voilà tout. Mais n'entrons pas, s'il vous plaît, monsieur, dans des considérations de cet ordre. Entrons-y, pardieu, je vous en supplie. » répliqua Philippe avec une fermeté qui signifiait « Je ne veux pas ». Le baron fronça le sourcil. « Et votre sœur ? Oublie-t-elle ses devoirs aussi ? Son service près de madame ? Ce sont là des devoirs qu'elle doit subordonner à d'autres, monsieur. De quelle nature, s'il vous plaît ? De la plus impérieuse nécessité. » Le baron se leva. « C'est une sotte espèce, grommela-t-il, que l'espèce des faiseurs d'énigmes. Est-ce bien une énigme pour vous, tout ce que je dis là ? Absolument, répondit le baron avec un aplomb qui étonna Philippe. Je m'expliquerai donc. Ma sœur s'en va, parce qu'elle aussi est forcée de fuir pour éviter un déshonneur. Le baron éclata de rire. Tu Dieu, les enfants modèles que j'ai ! S'écria-t-il. Le fils abandonne l'espoir d'un régiment parce qu'il craint le déshonneur. La fille abandonne un tabouret tout acquis parce qu'elle a peur du déshonneur. En vérité, nous voilà revenus au temps de Brutus et de Lucrèce. De mon temps, mauvais temps sans doute, et il ne voit pas les beaux jours de la philosophie, quand un homme voyait venir de loin un déshonneur et qu'il portait, comme vous, une épée au côté, et quand, comme vous, il avait pris des leçons de 2 mètres et de 3 prébauts, il embrochait le premier déshonneur à la pointe de son épée. Philippe haussa les épaules. « Oui, c'est assez pauvre ce que je dis là, pour un philanthrope qui n'aime pas voir couler le sang. Mais enfin, les officiers ne sont pas précisément nés pour être philanthropes. Monsieur, j'ai autant que vous la conscience des nécessités qu'impose le point d'honneur. Mais ce n'est pas le sang versé qui rachète. Phrase, phrase de philosophe !» s'écria le vieillard, irrité au point de devenir majestueux. « Je crois que j'allais dire de poltron. » « Vous avez bien fait de ne pas le dire. » répliqua Philippe, pâle et frémissant. Le baron soutint fièrement le regard implacable et menaçant de son fils. « Je disais, reprit-il, et ma logique n'est pas mauvaise autant qu'on voudrait me le faire accroire. Je disais que tout déshonneur en ce monde vient, non pas d'une action, mais d'un propos. Ah, c'est ainsi. Soyez criminel devant des sourds et devant des aveugles ou des muets, serez-vous déshonoré ? Vous allez me répondre, par ce vers stupide, le crime fait la honte et non pas l'échafaud. C'est bon à dire à des enfants ou à des femmes, mais un homme, mordieu, on parle un autre langage. Or, je me figurais, moi, avoir crié un homme. Maintenant que l'aveugle vole, que le sourd ait pu entendre, que le muet parle, et vous frappez sur la garde votre épée, et vous crevez les yeux à l'un, le tympan à l'autre, vous coupez la langue au dernier. Voilà comment répond à l'attaque du déshonneur un gentilhomme du nom de Tavernet Maison Rouge. Un gentilhomme de ce nom, monsieur, sait toujours, entre les choses qu'il a à faire, que la première, c'est de ne pas commettre une action déshonorante. Voilà pourquoi je ne répondrai pas à vos arguments. Seulement, il arrive parfois que l'opprobre est né d'un malheur inévitable. C'est le cas où nous nous trouvons, ma sœur et moi. Je passe à votre sœur. Si, d'après mon système, l'homme ne doit jamais fuir une chose qu'il peut combattre et vaincre, la femme aussi doit attendre de pied ferme. À quoi sert la vertu, monsieur le philosophe, sinon à repousser les attaques du vice ? Où est le triomphe de cette même vertu, sinon dans la défaite du vice ? et Tavernet se mit à rire. Mademoiselle de Tavernet a eu bien peur, n'est-ce pas? Elle se sent donc faible? Alors, Philippe, se rapprochant tout à coup, monsieur, mademoiselle de Tavernet n'a pas été faible, elle est vaincue. Elle a succombé, elle est tombée dans un piège. Dans un piège? Oui. Gardez, je vous prie, un peu de cette chaleur qui vous animait tout à l'heure pour flétrir ces misérables qui ont comploté lâchement la ruine de cet honneur sans tache. Je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Un lâche, vous dis-je, a introduit quelqu'un dans la chambre de mademoiselle de Tavernet. Le baron pâlit. Un lâche, continua Philippe, a voulu que le nom de Tavernet, le mien, le vôtre, monsieur, fût souillé d'une tache indélébile. Voyons. Et votre épée de jeune homme pourrait prendre un peu de sang, la chose en vaut-elle la peine? Monsieur Philippe. Ne craignez rien. Je n'accuse personne, moi. Je ne connais personne. Le crime s'est tramé dans l'ombre, exécuté dans l'ombre. Le résultat disparaîtra dans l'ombre aussi, je le veux. Moi, qui entends à ma mode la gloire de ma maison. Mais comment savez-vous? S'écria le baron revenu de sa stupeur par l'appât d'une infâme ambition, d'un ignoble espoir. À quel signe reconnaissez-vous? C'est ce que ne demandera personne de ceux qui pourront entrevoir ma sœur, votre fille, dans quelques mois, monsieur le baron. Mais alors, Philippe, s'écria le vieillard avec des yeux pleins de joie, alors la fortune et la gloire de la maison ne sont pas évanouies, alors nous triomphons. Alors, vous êtes bien réellement l'homme que je pensais, dit Philippe avec un suprême dégoût. Vous vous êtes trahi vous-même, et vous venez de manquer d'esprit devant un juge, après avoir manqué de cœur devant votre fils. Insolent! Assez! Répliqua Philippe. Craignez d'éveiller, en parlant si haut, l'ombre hélas trop insensible de ma mère, qui, si elle vivait, eût veillé sur sa fille. Le baron baissa les paupières devant l'éblouissante clarté qui jaillissait des yeux de son fils. Ma fille, reprit-il après un moment, ne me quittera pas sans ma volonté. Ma sœur, dit Philippe, ne vous reverra jamais, mon père. Est-ce elle qui dit cela? C'est elle qui m'envoie vous le déclarer. Le baron essua d'une main tremblante ses lèvres blanches et humides. Soit, dit-il. Puis haussant les épaules, j'ai eu du malheur en enfant, s'écria-t-il, un sot et une brute. Philippe ne répliqua rien. Bon, bon, continua Tavernet, je n'ai plus besoin de vous. Allez, si la thèse est récitée. J'avais encore deux choses à vous dire, monsieur. Dites. La première est celle-ci. Le roi a donné à vous un écrin de perles. À votre sœur, monsieur. À vous, monsieur. D'ailleurs, peu importe. Ma sœur ne porte point de joyaux pareils. Ce n'est pas une prostituée que mademoiselle de Tavernet. Elle vous prie de remettre l'écrin à qui l'a donné. Ou comme vous craindriez de désobliger sa majesté, qui a tant fait pour notre famille, de garder l'écrin chez vous. Philippe tendit l'écrin à son père. Celui-ci le prit, l'ouvrit, regarda les perles et le jeta sur un chiffonnier. « Après ? » dit-il. « Ensuite, monsieur, comme nous ne sommes pas riches, puisque vous avez engagé ou dépensé jusqu'au bien de notre mère, ce dont je ne vous fais pas reproche, à Dieu ne plaise. »« Il vaudrait mieux, » dit le baron en grinçant les dents. « Mais enfin, comme nous n'avons que Tavernet qui viennent de cette succession modique, nous vous prions de choisir entre Tavernet et ce petit hôtel où nous sommes. » Habitez l'un, nous nous retirons dans l'autre. Le baron froissa son jabot de dentelle avec une fureur qui ne se trahit que par l'agitation de ses doigts, la moiteur de son front, le frémissement de ses lèvres. Philippe même ne les remarqua pas. Il avait détourné la tête. J'aime mieux Tavernet, répliqua le baron. Alors nous garderons l'hôtel, comme vous voudrez. Quand partirez-vous? Ce soir même. Non, tout de suite. Philippe s'inclina. À Tavernet, continua le baron. On paraît roi avec 3 000 livres de rente. Je serai deux fois roi. Il étendit la main vers le chiffonnier pour prendre l'écrin qu'il serra dans sa poche. Puis il se dirigea vers la porte. Tout à coup, revenant sur ses pas, avec un atroce sourire. Philippe, je vous permets de signer de notre nom le premier traité de philosophie que vous publierez. Quant à André, pour son premier ouvrage, conseillez-lui de l'appeler Louis ou Louise. C'est un nom qui porte bonheur. Et il sortit en ricanant. Philippe, l'œil sanglant, le front en feu, serra de sa main la garde de son épée en murmurant. « Mon Dieu, donnez-moi la patience, accordez-moi l'oubli. »